Salut, je t'aime. Avec longtemps que je t'ai pas vu. Sauf que je me rappelle pas si c'est le Ricain ou le François. Merde, je peux pas faire ça. Ce soir, on fait la Java de Broadway. Dit que c'est le birthday de Monsieur Tom. Ok, everybody, silence. Now you can hear my pipe. Je suis venu te dire que je m'en vais. Silence, silence. Listen, listen. Listen, listen to that here. Come on. Je suis venu te dire que je pleure. Listen, listen. Listen to the silence. Monsieur Tom m'a demandé. Tom, where is the cake? Et le champagne. Because for the birthday, we need the champagne. Ce n'est pas possible. This is a birthday song. Which one? Carrément. Out, out, out. Out, out, out. Out, out, out. You wanna, you wanna. Out, out, out, out, out, out. This is a birthday song. Out, out, out, out. monkey. This is a monkey dance. Monkey. Monkey. This is a monkey. Monkey. This is a monkey. Fili sancti, benedicti, amen. Monkey. Fili di. Monkey. Monkey. Monkey. Monkey. Monkey. Monkey. voulait, il voulait nos ça tous, ça, ça, mon tous. Brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom. Thank you. Thank you.